tu diras quoi? Man il fatatu allati kharajat min baytika al-an ya Muhammad. Hiya bintu khalati. Vous avez compris? Alladi wallati, c'est la même chose. Masculin, c'est-à-dire quoi? Singulier. Taïb. Alladi masculin et allati féminin. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Taïb. Et au niveau de la règle, c'est quoi? C'est la même chose. Il faut qu'entre toi et la personne, on sache de qui vous parlez. C'est faux. Par exemple, moi et toi, je viens vers toi et je te dis Al-Waladou, Al-Ladi Dja Ams, Min Maka. Par exemple, je dis Al-Akh Min Maka Qadija. Aïkoum salam. Ou je te dis Waladoun, Al-Ladi Raïta Ams Dja. Waladoun. Alladi ra'aita ams ja. C'est faux. Parce que toi, tu sais pas, je t'ai dit waladoun. Alors qu'entre moi et toi, quand on l'utilise alladi ou allati, il faut que ça soit ma'rif entre moi et toi. Tu diras quoi? Tu diras par exemple waladoun ja'am in Mecca. T'as compris? Tu diras pas alladi. Si toi, tu veux nous dire. Alaykoum salam. Si toi, tu veux nous dire qu'un enfant est venu ou un frère est venu, tu nous diras quoi? Akhoun ja'am in France. T'as compris? Mais tu diras pas Akhoun alladhi kan fi France aja. Wahbi va me dire, mais c'est qui ce frère? Moi je vois pas de qui tu me parles. Parce que lui automatiquement, comme il a compris l'arabe, il va me dire alladhi. Si tu as utilisé alladhi Abdurrahman, automatiquement toi tu penses que je sais qui est ce frère là. T'as compris? Alors quand tu utilises quelque chose qui est nakira, c'est-à-dire indéfini, c'est faux d'utiliser alladhi. T'as compris ça, Daoud? Tu peux pas dire ça. Akhoun alladhi jamin France. Qad wasal. Là, si tu veux nous dire qu'un frère est venu, tu diras quoi? Akhun wasala min France al-yom. T'as compris? Ukhtun wasalat min France al-yom. Amma annaka taqul, c'est-à-dire que tu dis Akhun alladhi kan fi France ja, c'est faux ça. Parce qu'on a dit une des conditions de alladhi, c'est quoi? Entre moi et avec qui je vais parler, c'est ma'rifa, on sait de qui on parle. Al-kitab alladhi ra'aita ams qad ishtarayt. Le livre que tu as vu hier, je l'ai acheté. Je viens vers toi, je te dis ça. Et t'as pas vu ce livre, c'est bon? Voilà. Mais toi et moi, on a vu un livre à la Maktaba et j'étais informé que je l'ai acheté. T'as compris? Hakad. As-siyaratu allati ra'aytaha ams qad ishtaraytuha. Allati. Parce que c'est féminin. La voiture que t'as vu hier, je l'ai acheté. Et moi, Iman, on sait de quelle voiture on parle. Ma'rifa. Mais je viens vers lui et je lui dis siyaratun. Comme ça. Après, j'utilise allati. C'est faux. Il me dit, je vois pas de quelle voiture tu me parles. Alors je dirais quoi? Siyaratun hakada. Ishtaraytuha. Vous avez compris là? Voilà. Alors on a dit quoi? Alladhi, on l'utilise pour le masculin singulier. Et allati pour le féminin singulier. T'as vu? Et automatiquement, quand tu utilises alladhi, le verbe qui viendra après sera quoi? Masculin singulier. Alladhi kharajat. C'est ça? On dira quoi? Alladhi kharaja. C'est compris ça? Et si on dit allati, on dira quoi? Kharajat. C'est compris ça, Inch'Allah? C'est très très simple, Inch'Allah. Oui, tfaddal ya Mohamed. Man fatatu allati kharajat min al-bayt min Man fatatu allati kharajat min baytuka al-an ya Mohamed. Min baytuka al-an. Min, il fait quoi comme travail, Mohamed? Min baytuki. Non. C'est bien. Le mot il s'arrête là, si tu me permets. Là, le mot il va s'arrêter là. T'as compris? Min beiti, et si c'est un frère, tu diras ka, si c'est une sœur, t'as compris? Ouais. Il faut pas que les pronoms vous embêtent au niveau du nom. Le mot en lui-même, tu lui donnes sa terminaison. Min beiti, si tu parles à un frère, tu diras quoi? Ka. Si tu parles à une sœur, ki. Très bien, vas-y, répète. Man al-fatatu allati kharajat min beitiki l'an ya Muhammadun. Répète alors, comme tu parles à Mohamed, tu diras quoi? Parce que toi, t'as dit min beitiki. Il est en train d'appeler, tu es en train d'interpeller moi. Min baytika al-an ya Muhammadun. Très bien, mashallah. Ya bintu khalati. Très bien. T'as compris là maintenant? Non. Man al-fatatu allati kharajat min baytika al-an ya Muhammad. Pourquoi j'ai dit ka? Car je suis en train d'interpeller, j'appelle qui? Muhammad. Hiya bintu khalati. T'as bien, mashallah? Au suivant. A voix haute, Daoud, s'il te plaît. Liman, pas man. T'as pas là-bas, hein, le lem. Bah, tu vois, tu dis l'imen. Hein? Tu l'as pas? Là, je l'ai pas. Ah, vas-y, alors, l'imen. L'imen il fait à tout. Fais-moi voir, Allah. Tu lis quoi, le 3 là, non? Le 2. Non, le seul, il vient de le lire, le frère. L'Iman. L'Iman, l'Iman, miftahu, miftahu, alladhi ala al-maktabi, huwa lil-mudarrisi. Très bien. L'Iman al-miftahu, alladhi ala al-maktabi, huwa lil-mudarrisi. Au suivant. L'Iman al-sa'atu. Al-sa'atu. التي خلا على على على السرير على السرير هي هي لزوجي أختي هي زوجي لزوجي أختي c'est le mari de ma sœur. Tout le monde a compris inshallah. Ha أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول. طيب مناسب الذي هي التي في الفراغ اكمل تي بدمان كوا سيير كومبليت لي فراز سوفونت ان ميتان كوا ان اسم موصول كيل كونفينس الذي سي سي ماسكولين سينغولي و التي سي سي فيمينين سينغولي الكتاب اون ديرا كوا ايمان الذي على المكتب للمدرس تري بيان الكتاب والذي على المكتب للمدرس او سوفون ا واو تا القلم الذي في حقيبتي مكسور. Très bien. القلم الذي في حقيبتي مكسور. Au suivant. السيارة التي خرجت من المستشفى. Regarde bien. T'as dit السيارة. Explique-nous pourquoi il y a une كسرة. السيارة. Très bien. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطالب الجديد. للطبيب. للطبيب الجديد. Très bien. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. Au suivant. Avoir au table de الكلب الذي في في الحديقة في الحديقة pourquoi tu changes là parce qu'il y a fi طيب et fi s'appelle hein حرف جر حرف جر pas حرف حرف جر خرافة c'est peut-être un autre mot حرف جر الله يبارك طيب مريض مريض طيب الكلب الذي في الحديقة مريض au suivant الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن مؤذن ابن المؤذن très bien الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن au suivant تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاحي نعم تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح au suivant البيت الجديد الذي في ذلك شارعي في ذلك الشارعي في ذلك الشارع لا رو للوزير نعم البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير صديق كل جاء الوزير يا صبيخ Voilà, le ministre, très bien. Au suivant. Non. Al-dars walladhi ba'da hadha al-dars sahlun jiddan. Au suivant. Man al-fatatu allati jalasat. Allati, allati, pas alladhi. Allati. Ah, t'as dit. À voix haute alors. C'est pour ça, comme ça, je vous corrige chez vous. Man al-fatatu allati jalasat. Pas jalasat. Jalasat. Amama. Amama al-mudarris. Mudarrisatu. أمام المدرسة هو سبو؟ نعم المدرسة نعم تشانجي دو شوز لا مدرسة مدرسة إلى فويل مدرسة نعم طيب الفتاة التي جلست أمام المدرسة سي لا بروفيسور طيب هي طالبة من ماليزيا يا با مينال با توجور مينال نعم من الفتاة التي جلست امام المدرسة هي طالبة من ماليزيا لا ماليزيا تلك الحاقبة تلك لا يا ام تي مو تلك تلك